Chapitre 5 de Le crime d'Orcival par Émile Gaboriau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 5. L'escalier avait été consigné, mais le vestibule était resté libre. On y entendait des allées et venues, des piétinements, des chuchotements étouffés. Puis, dominant ce bourdonnement continu, les exclamations et les jurements des gendarmes essayant de contenir la foule. De temps à autre, une tête effarée se glissait le long de la porte de la salle à manger, restée entrebâillée. C'était quelque curieux qui, plus hardi que les autres, voulait voir manger les gens de la justice et essayait de surprendre quelques paroles pour les rapporter et s'en faire gloire. Mais les gens de justice, pour parler comme un Orcival, se gardaient bien de rien dire de grave, porte ouverte, en présence d'un domestique circulant autour de la table pour le service. Très ému de ce crime affreux, inquiet du mystère qui recouvrait encore cette affaire, ils renfermaient et dissimulaient leurs impressions. Chacun, à part soi, étudiait la probabilité de ses soupçons et gardait sa pensée intime. Tout en mangeant, M. Domini mettait de l'ordre dans ses notes, numérotant les feuilles de papier, marquant d'une croix certaines réponses inculpées, particulièrement significatives, et qui devaient être comme les bases de son rapport. Il était peut-être le moins tourmenté des quatre convives de ce lugubre repas. Ce crime ne lui semblait pas de ceux qui font passer des nuits blanches au juge d'instruction. Il envoyait nettement le mobile, ce qui est énorme, et il tenait Laripaille et Guespin, deux coupables, ou tout au moins complices. Assis l'un près de l'autre, le père Planta et le docteur Gendron s'entretenaient de la maladie qui avait enlevé Sauvrosy. M. Courtois, lui, prêtait l'oreille au bruit du dehors. La nouvelle du double meurtre se répandait dans le pays. La foule croissait de minute en minute. Elle encombrait la cour, et de plus en plus devenait audacieuse. La gendarmerie était débordée. C'était ou jamais, pour le maire d'Orcival, le moment de se montrer. « Je vais aller faire entendre raison à ces gens, » dit-il, « et les engager à se retirer. » Et aussitôt, s'essuyant la bouche, il jeta sur la table sa serviette roulée et sortit. Il était temps. On n'écoutait déjà plus les injonctions du brigadier. Quelques curieux, plus enragés que les autres, avaient tourné la position et s'efforçait d'ouvrir la porte donnant sur le jardin. La présence du maire n'intimida peut-être pas beaucoup la foule, mais elle doubla l'énergie des gendarmes. Le vestibule fut évacué. Aussi, que de murmures contre cet acte d'autorité! Quelle superbe occasion de discours! Monsieur Courtois ne la manqua pas. Il supposa que son éloquence, douée de la vertu des douches d'eau glacée, calmerait cette effervescence insolite de ces sages administrés. Il s'avança donc sur le perron, la main gauche passée dans l'ouverture de son gilet, gesticulant de la main droite, dans cette attitude fière et impassible que la statuaire prête aux grands orateurs. C'est ainsi qu'il se pose devant son conseil, lorsque, trouvant une résistance inattendue, il entreprend de faire triompher sa volonté et de ramener le récalcitrant. Tel, dans l'histoire de la Restauration, on représente Manuel, au moment du fameux « Empoignez-moi cet homme-là » Son discours arrivait par bribes jusqu'à la salle à manger. Suivant qu'il se tournait de droite ou de gauche, sa voix était claire ou distincte, ou bien se perdait dans l'espace. Il disait « Messieurs et chers administrés, un crime inouï dans les fastes d'Orcival vient d'ensanglanter notre paisible et honnête commune. Je m'associe à votre douleur. Je comprends donc, et je m'explique, votre fiévreuse émotion, votre indignation légitime. Autant que vous, mes amis, plus que vous, je chérissais et j'estimais ce noble comte de Trémorel et sa vertueuse épouse. L'un et l'autre, ils ont été la providence de notre contrée. Nous les pleurons ensemble. Je vous assure, disait le docteur Gendron au père Planta, que les symptômes que vous me dites ne sont pas rares à la suite des pleurésies. On croit avoir triomphé de la maladie, on regagne la lancette, on se trompe. De l'état aigu, l'inflammation passe à l'état chronique et se complique de pneumonie et de ptysie tuberculeuse. Mais rien ne justifie, poursuivait le maire, une curiosité qui, par ses manifestations inopportunes et bruyantes, entrave l'action de la justice et est, dans tous les cas, une atteinte punissable à la majesté de la loi. Pourquoi ce rassemblement inusité? Pourquoi ces cris dans les groupes? Pourquoi ces rumeurs, ces chuchotements, ces suppositions prématurées? Il y a eu, disait le père Planta, deux ou trois consultations qui n'ont pas donné de résultats favorables. Sauvrosy accusait des souffrances tout à fait étranges et bizarres. Il se plaignait de douleurs si invraisemblables, si absurdes, passez-moi le mot, qu'il déroutait les conjectures des médecins les plus expérimentés. N'était-ce pas R de Paris qui le voyait ? Précisément. Il venait tous les jours et souvent restait couché au château. Maintes fois, je l'ai vu remonter sous cieux la grande rue du bourg. Il allait surveiller la préparation de ses ordonnances chez notre pharmacien. Sachez donc, criait M. Courtois, sachez modérer votre juste courroux. Soyez calme, soyez digne. Certainement, poursuivait le docteur Gendron, votre pharmacien est un homme intelligent. Mais vous avez, à Orcival même, un garçon qui lui dame joliment le pion. C'est un vieillard qui fait le commerce des simples et qui a su y gagner de l'argent, un certain Reblot. Reblot, le rebouteur ? Juste. Je le soupçonne même de donner des consultations et de faire de la pharmacie à huis clos. Il est fort intelligent. C'est moi, du reste, qui ai fait son éducation. Il a été pendant plus de 5 ans mon garçon de laboratoire. Et encore maintenant, quand j'ai quelques manipulations délicates, le docteur s'arrêta, frappé de l'altération des traits de l'impassible père Plantin. « Hé, cher ami, demanda-t-il, qu'est-ce qui vous prend ? Seriez-vous incommodé ?» Le juge d'instruction abandonna ses paperasses pour regarder. « En effet, dit-il, monsieur le juge de paix est d'une pâleur. » Mais déjà, le père Plantin avait repris sa physionomie habituelle. « Ce n'est rien, répondit-il, absolument rien. Avec mon maudit estomac, dès que je change l'heure de mes repas, arrivant à la péroraison de sa harangue, M. Courtois enflait la voix et abusait vraiment de ses moyens. « Regagnez donc, disait-il, vos paisibles demeures. Retournez à vos occupations, reprenez vos travaux. Soyez sans crainte, la loi nous protège. Déjà, la justice a commencé son œuvre. Deux des auteurs de l'exécrable forfait sont en son pouvoir et nous sommes sur la trace de leurs complices. De tous les domestiques actuellement au château, remarquait le père Plantin, il n'en est pas un seul qui ait connu Sevresi. Peu à peu, toute la maison a été renouvelée. Il est de fait, répondait le docteur, que la vue d'anciens serviteurs n'eut plus qu'être fort désagréable à M. de Trémorel. Il fut interrompu par le maire qui rentrait, l'œil brillant, le visage animé, s'essuyant le front. J'ai fait comprendre à tous ces gens l'indécence de leur curiosité, dit-il. Tous se sont retirés. On voulait, m'a dit le brigadier, faire un mauvais parti à Philippe Berthaud. L'opinion publique ne s'égare guère. Il se retourna, entendant la porte s'ouvrir, et se trouva face à face avec un homme dont on ne pouvait guère voir la figure tant il s'inclinait profondément, les coudes en dehors, son chapeau appuyé fortement contre sa poitrine. « Que voulez-vous ? » lui demanda durement M. Courtois. « De quel droit osez-vous pénétrer ici ? Qui êtes-vous ? » L'homme se redressa. « Je suis M. Lecoq, » répondait-il avec le plus gracieux des sourires. Et voyant que ce nom n'apprenait rien à personne, il ajouta « Monsieur Lecoq, de la Sûreté, envoyé par la préfecture de police sur demande télégraphiée pour l'affaire en question. » Cette déclaration surprit considérablement tous les auditeurs, même le juge d'instruction. Il est entendu en France que chaque État a son extérieur particulier et comme des insignes qui le dénoncent au premier coup d'œil. Toute profession a son type de convention et quand Sa Majesté l'Opinion a adopté un type, elle ne veut pas admettre qu'il soit possible de s'en écarter. Qu'est-ce qu'un médecin ? C'est un homme grave, tout de noir habillé et cravaté de blanc. Un monsieur à gros ventre, battu par des breloques d'or, ne peut être qu'un banquier. Chacun sait que l'artiste est un joyeux vivant, portant chapeau pointu, veste de velours et de grandes manchettes. En vertu de cette loi, l'employé de la rue de Jérusalem doit avoir l'œil plein de traîtrise, quelque chose de louche dans toute sa personne, l'air crasseux et des bijoux en faux. Le plus obtus des boutiquiers est persuadé qu'il flaire à 20 pas un agent de police, un grand homme à moustache et à feutre luisant, le cou emprisonné dans un col de crin, vêtu d'une redingote noire râpée, scrupuleusement boutonnée sur une absence complète de linge, tel est le type. Or, à ce compte, M. Lecoq, entrant dans la salle à manger du Valfeuillu, n'avait certes pas l'air d'un agent de police. Il est vrai que M. Lecoq a l'air qu'il lui plaît d'avoir. Ses amis assurent bien qu'il a une physionomie à lui, qui est sienne, qu'il reprend quand il rentre chez lui et qu'il garde, tant qu'il est seul au coin de son feu, les pieds dans ses pantoufles. Mais le fait n'est pas bien prouvé. Ce qui est sûr, c'est que son masque mobile se prête à des métamorphoses étranges, qu'il pétrit pour ainsi dire son visage à son gré, comme le sculpteur pétrit la cire à modeler. En lui, il change tout, même le regard, qui ne parvint jamais à changer Yévrol, son maître et son rival. Ainsi, insista le juge d'instruction, c'est vous que monsieur le préfet de police m'envoie pour le cas où certaines investigations seraient nécessaires. Moi-même, monsieur, répondit Lecoq, bien à votre service. Non, il ne payait pas de mine, l'envoyé de monsieur le préfet de police. Et l'insistance de M. Domini était excusable. M. Lecoq avait arboré ce jour-là de jolis cheveux plats de cette couleur indécise qu'on appelle le blond de Paris. partagé sur le côté par une raie coquettement prétentieuse. Des favoris de la nuance des cheveux encadraient une face blême, bouffie de mauvaise graisse. Ses gros yeux à fleur de tête semblaient figés dans leur bordure rouge. Un sourire candide s'épanouissait sur ses lèvres épaisses qui, en s'entr'ouvrant, découvraient une rangée de longues dents jaunes. Sa physionomie, d'ailleurs, n'exprimait rien de précis. C'était un mélange à dose à peu près égale de timidité, de suffisance et de contentement. Impossible d'accorder la moindre intelligence au porteur d'une telle figure. Involontairement, après l'avoir regardé, on cherchait le goitre. Les merciers au détail, qui après avoir volé 30 ans sur leurs fils et sur leurs aiguilles, se retirent avec 1800 livres de rente, doivent avoir cette tête inoffensive. Son costume était aussi terne que sa personne. Sa redingote ressemblait à toutes les redingotes, son pantalon à tous les pantalons. Un cordon de crin, du même blanc que ses favoris, retenait la grosse montre d'argent qui gonflait la poche gauche de son gilet. Il manœuvrait tout en causant une bonbonnière de cornes transparente, pleine de petits carrés de pâte, réglisse guimauve et jujube, et ornée d'un portrait de femme très laide et très bien mise. Le portrait de la défunte, sans doute. Et selon les hasards de la conversation, suivant qu'il était satisfait ou mécontent, M. Lecoq gobait un carré de pâte ou adressait au portrait un regard qui était tout un poème. Ayant loinement détaillé l'homme, le juge d'instruction haussa les épaules. « Enfin !» dit M. Domini, et cet enfant répondit à sa pensée intime. « Nous allons, puisque vous voici, vous expliquer ce dont il s'agit. »« Oh, inutile !» répondit M. Lecoq, avec un petit air suffisant. « Parfaitement inutile. Il est cependant indispensable que vous sachiez. Quoi ? Ce que c'est, monsieur le juge d'instruction ? » interrompit l'agent de la sûreté. « Je sais déjà. Nous disons assassinat, ayant le vol pour mobile, et nous partons de là. Nous avons ensuite l'escalade, le bris de clôture, les appartements bouleversés. Le cadavre de la comtesse a été retrouvé, mais le corps du comte est introuvable. Quoi encore ? La ripaille est arrêtée. C'est un mauvais drôle, en tout état de cause, il mérite un peu de prison. Gaspin est revenu ivre. Ah, il a de rudes charges contre lui, ce Gaspin. Ses antécédents sont déplorables. On ne sait où il a passé la nuit, il refuse de répondre. Il ne fournit pas d'alibi, c'est grave, très grave. » Le père Plantat examinait le doux agent avec un visible plaisir. Les autres auditeurs ne dissimulaient pas leur surprise. « Qui donc vous a renseigné ?» demanda le juge d'instruction. « répondit M. Lecoq. « Tout le monde, un peu. Mais où ?»« Ici, je suis arrivé depuis plus de 2 heures déjà. » J'ai même entendu le discours de M. le maire. Et satisfait de l'effet produit, M. Lecoq avala un carré de pâte. « Comment ? » fit M. Domini d'un ton mécontent. « Vous ne saviez donc pas que je vous attendais ?»« Pardon !» répondit l'agent de la sûreté. « J'espère pourtant que M. le juge voudra bien m'entendre. C'est que l'étude du terrain est indispensable. Il faut voir dresser ses batteries. Je tiens à recueillir les bruits publics, l'opinion, comme on dit, pour m'en défier. Tout cela, prononça sévèrement M. Domini, ne justifie pas votre retard. » Monsieur Lecoq eut un tendre regard pour le portrait. « Monsieur le juge n'a qu'à s'informer rue de Jérusalem, répondit-il. On lui dira que je sais mon métier. L'important, pour bien faire une enquête, est de n'être point connu. La police, c'est bête comme tout et mal vu. Maintenant qu'on sait qui je suis et pourquoi je viens, je puis sortir, on ne me dira plus rien. Ou, si j'interroge, on me répondra 1000 mensonges. On se défiera de moi, on aura des réticences. » « C'est assez juste, objecta Monsieur Plantat, venant au secours de l'agent de la sûreté. « Donc, poursuit Monsieur Lecoq, quand on m'a dit là-bas « c'est en province », j'ai pris ma tête de province. J'arrive, et tout le monde en me voyant se dit « voilà un bonhomme bien curieux, mais pas méchant. Alors je me glisse, je me faufile, j'écoute, je parle, je fais parler. J'interroge, on me répond à cœur ouvert. Je me renseigne, je recueille des indications. On ne se gêne pas avec moi. Ils sont charmants, les gens d'Orcival. Je me suis déjà fait plusieurs amis, et on m'a invité à dîner pour ce soir. » Monsieur Domini n'aime pas la police et ne s'en cache guère. Il subit sa collaboration, plutôt qu'il ne l'accepte, uniquement parce qu'il ne peut s'en passer. Dans sa droiture, il condamne les moyens qu'elle est parfois forcée d'employer, tout en reconnaissant la nécessité de ces mêmes moyens. En écoutant Monsieur Lecoq, il ne pouvait s'empêcher de l'approuver. Et cependant, il le regardait d'un œil qui n'était rien moins qu'amical. « Puisque vous savez tant de choses, lui dit-il sèchement, nous allons procéder à l'examen du théâtre du crime. » « Je suis aux ordres de monsieur le juge d'instruction, » répondit laconiquement l'agent de la sûreté. Et comme tout le monde se levait, il profita du mouvement pour s'approcher du père Plantat et lui tendre sa bonbonnière. « Monsieur le juge de paix en eût-il ? » Le père Plantat ne crut pas devoir lui refuser. Il avala un morceau de jujube et la sérénité reparut sur le front de l'agent de la sûreté. Il lui faut, comme à tous les grands comédiens, un public sympathique et vainement, il sentait qu'on allait travailler devant un amateur. Fin du chapitre 5.